Oh, Heidi. Heidi. Heidi. Heidi. Heidi. Yo, man. Oh, so cool. Oh, Heidi. Heidi. Heidi. Oh, Heidi. It's back. Heidi. Sur 32, mon ami. Je suis ravi de te revoir ici. C'est compliqué pour moi. Tu l'as mis en stream? Oh, Whitey. Whitey. Oh, Whitey. Whitey. Oh, Whitey. Bien sûr. Chrome. Oh, why dear? Why dear? Oh, why dear? Why dear? Oh, why dear? Why dear? Oh, why dear? Why dear? Oh, why dear? Why dear? Salut. La sécurité, elle est tout en bas, il faut dire montrer les paramètres avancés. Et après, tu dis continuer vers le site Ninbot dangereux. Continuer vers le site Ninbot dangereux. J'arrive pas à ouvrir ton site. Oh, my dear. Why dear? Oh, my dear. Why dear? Oh, my dear. Why dear? Oh, my dear. Why dear? Oh, mais c'est pas grave. Peut-être tu peux faire évoluer ton cœur. Si, en fa. Sol mineur, sol mineur. No ID. Oh, my dear. Oui, ça marche pas ton lien. Oh, my dear. My dear. Oh, my dear. My dear. Oh, my dear. My dear. Oh, my dear. No ID. Merci, ça marche. C'est joli. Thank you. moins de deux. Thank you. Thank you. I will change the progression. J'ai foiré mon loop. C'est parti, pardon, excuse-moi. 21, 22, 23, 5, 6, 7, 8, 9, 30, 31, 32, 1. Thank you. one another. j'adore le stoner style. C'est celle que mon cerveau a pris pour faire durer le plus longtemps, plutôt que plein de mouvements. Je peux aussi bouger moins lentement, c'est ce que j'ai dit à Eugénie. Elle m'a dit dégage un peu, remue-toi, si tu bouges pas tes fesses c'est fini là. Si tu te bouges pas, qu'est-ce que tu... à la piscine et c'était pour tes adorés ce que tu faisais sous l'eau. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh mais sous l'eau ce que je fais c'est ce que je pète trop. Oh mais sous l'eau je bouge pas trop. Thank you.

Yeah.